Alors, ça filme? Ça filme? Attends. Non. Comme ça. Bon. Bonjour, messieurs, et bienvenue sur la chaîne Rôliste Roro FM, la radio des rôlistes routards. Donc sur 92,16 Hz sur l'ORTF. Aujourd'hui, eh bien, c'est la première, notre première émission sur YouTube. Donc voilà, on va essayer. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler. Donc, c'est l'heure de notre chronique habituelle de jeu de rôle. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de Dragon de Poche. Dragon de Poche écrit par le... Oh, mais c'est vraiment écrit petit, hein. Le Gronf. Le Gronf. Voilà. Dragon de Poche écrit par le Gronf. Alors, eh bien, nous allons vous expliquer le jeu. Bon, bah, tout d'abord, ce que je dois dire, et là, vraiment, je n'ai pas été très content, c'est que je ne l'ai pas trouvé en boutique. Il ne l'avait même pas à l'œuf cube, hein? Donc, j'ai dû aller sur Internet, sur lulu.com. Lulu.com, voilà, pour acheter le Dragon de Poche. Bon, bah, alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Bon, bah, il y a quand même un ISBN. Bon, ça inspire un peu la confiance. Bon, à part ça, bon, bah déjà le format, on est sur un format vraiment petit, c'est quand même, c'est bizarre, ça change du A4, hein, il n'est pas en A4 du tout, pourtant ça s'appelle Dragon de Poche, et j'ai essayé de le mettre dans ma poche, et ben ça rentrait pas, hein, bon, et alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Bon, bah déjà à l'intérieur, comment vous dire? Bah, c'est en noir et blanc. En noir et blanc, vous vous rendez compte? Hein? Bon, je veux dire, ça c'est une insulte au Conseil de la Résistance de faire des jeux de rôle en noir et blanc. Bon, déjà, alors il y a combien de pages? 288 pages. Bon, 288 pages avec... Bon, là il y a deux colonnes, mais la plupart du temps, il n'y a qu'une seule colonne. Hein? Donc 288 pages monocolonne, bon c'est pas du tout les formats auxquels on s'attend, hein. Bon bah le papier, comment vous dire, bon bah il est même pas broché. Alors ce que je dois constater aussi c'est que la couverture est souple, une couverture souple, vous vous rendez compte? Et, hein, comment dire, on a connu la Grande Dépression, c'est pour avoir ça maintenant, une couverture souple. Bon. Ensuite, bah, que vous dire, il n'y a même pas de vernis pelliculé, pas de vernis sélectif. Bon, bah, mes conclusions, elles sont simples, hein. C'est pas du jeu de rôle. Voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine fois pour une émission sur... Attendez, attendez, qu'est-ce que je vois aussi? Il y a quelque chose que je devais vous dire qui était important. Ah non, ça va. Bon, heureusement, ils disent pas joueuse. Hein. Il aurait pu manquer que ça, hein, parce que il faut se méfier avec le lobby LGBT maintenant, qui est partout dans notre loisir préféré. Et hein, faut se méfier. Bon, allez, à plus, on se revoit pour une prochaine émission sur YouTubeur avec comme thème l'écriture inclusive est-elle le nouveau fléau de notre beau loisir? Allez, au revoir, à la prochaine. Bon, salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Bon, c'était vraiment long comme prank, hein, désolé, je me suis fait plaisir. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui après ce prank super long? Et là, on va parler des différents type de rôliste. En fait, bon, et en fait, t'as remarqué, rien, ça, c'est un donjon qui a été réalisé par Victor, quoi, hein, quand il avait 4 ans. Plutôt classe, non, hein? Bon, je me dis que ça faisait un chouette fond, quoi. Les différents types de rôlistes. Bah oui, parce que ça part du constat qu'on joue pas tous et toutes de la même manière, quoi. Et donc, il y a eu souvent, depuis longtemps, il y a eu un enjeu de typologie sur comment on allait classer justement les joueurs et les joueuses, quoi. Alors au départ, à l'époque du wargame, on voit qu'il y a d'un côté celles qui préfèrent un jeu réaliste et de l'autre celles qui préfèrent un jeu abstrait, plus léger, plus freeform, avec des décisions prises par un arbitre. Ensuite, ce qu'on va trouver un peu, c'est le jeu versus l'histoire. Et puis après, toi-même, tu sais, il va y avoir la GNS où on va un peu opposer les rôlistes ludistes, donc qui sont plutôt sur le jeu, les rôlistes narrativistes, donc plutôt sur l'histoire, et les rôlistes simulationnistes, donc plutôt sur l'univers, quoi, en gros, hein. Là, je te fais des méga raccourcis, hein. Si tu aimes la théorie et que tu penses que je galvaude, tu peux m'envoyer des insultes non oppressives, s'il te plaît, en commentaire, il n'y a pas de souci, hein, c'est là pour ça. Et puis, moi, je m'étais allé de ma petite typologie qui était l'atomistique, où en fait, je disais qu'il y avait grosso modo les joueuses tactiques, les joueuses morales, les joueuses sociales et puis les joueuses esthétiques. J'aime bien aussi ce que Olivier Caïra appelle les exigences ludiques. Alors il en cite plusieurs. Il y a la simulation, interprétation, c'est un peu le côté théâtral, si tu veux, du jeu de rôle, la progression, donc amasser des XP, faire augmenter son personnage, le raisonnement, donc tout ce qui est enquête, le panache. Donc les jeux un peu héroïques, l'érudition, l'atmosphère, l'étrange et l'expérimentation. Ce qui est intéressant dans ces exigences ludiques, c'est que dans chaque catégorie, si tu veux, il va citer le bon grand, donc c'est celui qui est à fond dans la démarche mais qui le fait bien, ou celui ou celle. Le mauvais grand, c'est la personne qui est à fond dans la démarche mais c'est lourd en fait pour tout le monde, quoi. Et le petit, c'est la personne qui est peu investie dans la démarche. Voilà, donc ça c'est pas mal comme la façon d'affiner en fait. Ça se donne une typologie de joueuse qui est assez fine. On pourrait peut-être y rajouter, si tu veux, des catégories de joueuses un peu plus méta, par exemple la joueuse timide versus l'extravertie. Donc je rappelle, on a fait une vidéo hein, sur la timidité, la joueuse Pipou Safe versus la joueuse Edgy. Alors on va faire des il y aura des vidéos sur MJ Sadik, MJ Bisounours, donc ça va m'en parler, quoi. La joueuse qui fait un peu qui est en solo versus la joueuse collective, quoi. La joueuse PVP versus la joueuse coop, quoi. Et en fait la grosse question, c'est comment on fait pour faire cohabiter de si différents types de rôlistes, quoi. Eh ben, la réponse, c'est qu'on ne peut pas toujours. Et donc, des fois, il va falloir se résoudre à splitter le groupe, quoi, à séparer le groupe en deux, ou est-ce que des gens partent, enfin, à refaire le casting hein, pour pouvoir jouer ensemble, hein, si on a vraiment des moods de jeu trop différents. On peut aussi demander à chacun et à chacune de mettre de l'eau dans son vin, d'autant plus que, si tu veux, les gens, en fait, ils sont rarement aussi caturaux que comme je te l'ai présenté, tu vois, sont rarement autant dans des petites cases, quoi. Et les typologies, c'est des modèles, donc c'est forcément ça fait des grandes généralités, c'est pour travailler, quoi. Mais en fait, sur le terrain, la plupart des rôlistes en fait peuvent faire preuve de polyvalence et naviguer d'une catégorie à l'autre en fonction des besoins. Moi, je trouve que par exemple dans les jeux de rôle grandeur nature ainsi que dans les GN virtuels, on a vraiment une bonne occasion de faire cohabiter des modes de jeu différents parce que comme on joue à beaucoup et qu'on peut se répartir par groupe variable pendant le jeu, eh bien, on va pour faire cohabiter des modes de jeu différents. Et en plus, du coup, ça va créer un effet de fresque. C'est-à-dire que voilà, comme une histoire où il y a beaucoup de personnages différents, avec des attitudes différentes, quoi. Mais ça peut être aussi le cas en jeu de rôle. Mais dans ces cas-là, par exemple, il faut ménager des temps de spotlight avec du coup un moment tactique pour la joueuse tactique, un moment théâtral pour la joueuse théâtrale, ainsi de suite. On pourra faire éventuellement des histoires croisées. Pour ce qui est du PVP, on va le réguler. Par exemple, un jeu de rôle comme Influenza permet de faire du PVP, mais en comment? Donc ça va intéresser les joueuses PVP. Mais en fait, c'est du PVP qui est un peu. C'est du PVP, mais c'est du personnage contre personnage, mais c'est pas joueuse contre joueuse, quoi. Donc du coup, ça va un petit peu. Les joueuses qui n'aiment pas le PVP auront le sentiment qu'elles peuvent jouer coop, en fait, parce qu'entre joueuses, il n'y a pas de, y a pas d'adversité, quoi. C'est juste entre personnages. Et l'adversité entre personnages est là pour servir l'histoire, donc ça se passe bien. La sécurité émotionnelle, c'est évidemment aussi un bon moyen, si tu veux, un peu de faire cohabiter des modes de jeu différents, parce que ça va réguler. On a fait une vidéo sur la bienveillance. Donc, bah, la bienveillance aussi va intervenir. Et puis, de toute façon, bah, voilà, il faut une bonne dose de discussion entre nous. Et surtout, le rappel, si tu veux, de deux mots d'ordre. Le premier, bah, c'est nique tes attentes. Ok, tu as une façon de jouer que tu préfères, mais bon, bah, là, on est en groupe. Et donc, il va falloir bah, qu'on se retrouve un peu dans un juste milieu. Donc, bah, nique un peu tes attentes. Tu sais que tu ne resteras pas full fill à 100% de tes attentes. Et qu'il va falloir rejoindre les autres au milieu, quoi. Et puis, autre mot d'ordre, ça, je reprends les mots de KF, c'est nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Au moment du contrat social, certes, on peut essayer, tu vois, d'essayer de trouver une façon de jouer qui va accommoder tout le monde, mais ça implique peut-être de poser beaucoup de règles, tu vois, de jeu sur la table en plus. Et en fait, on ne va pas toutes les retenir, on va pas arriver à tout. Et donc, le compromis qu'ils recherchaient ne sera pas forcément atteint parce que le contrat social ne résout pas tout du fait que nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Là-dessus, vous n'êtes pas infiniment patient et patiente. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vous fais des gros bisous. S'il vous plaît, envoyez-moi des commentaires, des bisous, des insultes. Et puis, bah, vous vous abonnez, vous mettez la cloche. Et puis vous typez, enfin voilà, vous allez voir mon blog, vous faites des trucs pour m'aider, quoi. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao. Yo, yo, allez le bouton.